Bonjour, ici Dominique Lelièvre pour les informations. Le milieu communautaire entame ce lundi 7 novembre une importante mobilisation partout au Québec. Plus de 1000 organismes partout dans la province sont unis pour dénoncer une nouvelle fois les politiques d'austérité du gouvernement provincial libéral. La campagne débute aujourd'hui avec une vaste tournée des députés dans toutes les régions du Québec. Les organismes entameront ensuite demain deux jours de grève. Le porte-parole François Saillant a estimé que le manque à gagner dans le milieu communautaire frôlait les 500 millions de dollars par année. Dans la région de Québec, quelques 108 organismes ont confirmé leur participation au mouvement. Le parti d'opposition à l'Hôtel de Ville Démocratie Québec annonce la tenue d'un premier de deux débats. Les candidats à la direction Anne Guérette et François Marchand croiseront le fer donc une première fois ce mercredi à 19h au deuxième étage de la Ninkasi du Faubourg sur la rue Saint-Jean. La rencontre est organisée par le Conseil des jeunes du parti. Rappelons que le nouveau ou la nouvelle chef du parti Démocratie Québec sera choisi par les membres de Démocratie Québec le 4 décembre prochain. Un second débat est prévu plus tard dans le mois. Quatre mois après avoir fait vibrer les plaines d'Abraham, les Red Hot Chili Peppers ont annoncé la tenue d'un nouveau concert à Québec. Les Californiens feront un arrêt le 18 juin prochain au Centre Vidéotron dans le cadre de leur tournée. Leur concert de juillet dernier avait été l'un des plus populaires du 49e Festival d'été de Québec. La 22e conférence des Nations Unies sur le climat s'ouvre aujourd'hui à Marrakech, au Maroc. La COP22 s'ouvre près d'un an après la signature par 195 pays de l'accord de Paris. Les enjeux sont grands encore cette année. Il faudra trouver un mécanisme pour inciter les gouvernements du monde entier à respecter leur engagement pour atteindre cet objectif qui est de limiter le réchauffement de la planète à moins de 2 degrés. Et enfin, le monde retient son souffle à l'approche du scrutin aux États-Unis. Les candidats Hillary Clinton et Donald Trump n'ont plus que quelques heures pour convaincre les électeurs avant l'ouverture demain des bureaux de vote. Les derniers sondages laissent entrevoir une course très serrée, mais donnent une légère avance à la candidate démocrate. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est très beau à la météo. On a 5 degrés présentement et c'est généralement ensoleillé. Le mercure va grimper jusqu'à 7 degrés aujourd'hui. Demain, mardi, c'est généralement ensoleillé également avec 9 degrés. 9 degrés également mercredi 9 novembre avec une alternance de soleil et de nuages.